Le camion est immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence. Le risque est que le conducteur est peut-être en train d'intervenir sur son véhicule. Mieux vaut donc s'en éloigner. Et ici, c'est possible. La voie de gauche est libre, il n'y a personne sur le point de me dépasser. Autant ne pas prendre de risque. Réponse B.